PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, soyez les bienvenus, vous entendez la radio Pokajou International. Je suis Melissa Suarez del Real, très contente de vous accueillir de nouveau dans cette émission. Ça fait 2 jours, la communauté archéologique du Pokajou a reçu les meilleurs cadeaux de Noël qu'on pouvait rêver. Par hasard, un paysan qui était en train de récolter des grains de pastèques a trouvé la mystérieuse image d'un animal effrayant gravé sur une coque de coco. Il s'agissait de la plus belle image du coco-pâque jamais trouvée. Mais c'est quoi cet animal mythologique? Bon, c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette émission. On a décidé de la dédier à cette figure mythique du Pokajou qui en fait a vraiment existé et d'ailleurs a profondément marqué la culture pokajoutienne. On va commencer avec le rituel des origines du monde, une chanson originaire du Paraguay, mais qui a des vraies connexions avec cette adoration pour les coco-pâques à Pokajou. On est de retour à la radio Pokajou International. Je suis Melissa Suarez del Real. Ce qu'on vient d'entendre s'appelle Rituel des origines du monde, une chanson originaire du Paraguay, mais qui en fait a une très forte connexion avec le coco-pâque, parce que, bon, comme vous allez découvrir, c'est un animal qui a marqué la culture musicale du Pokajou. En fait, l'idée de faire des chansons ou faire de la musique qui rassemble les sons des animaux, ça vient vraiment de la culture créée autour du Kokopak. Selon la thèse de la célèbre archéologue Almudena Matrioshka, il s'agissait d'un animal très abondant dans l'époque appelé Coco Turner. Mais bon, on a heureusement ce matin à Almudena Matrioshka avec nous pour nous expliquer un peu plus sur ce sujet. Bonjour, je suis très contente d'être là. Selon les analyses que nous avons faites après les fouilles archéologiques, nous avons trouvé que le Kokopak, c'était un animal assez particulier. Il émettait des sons avec des qualités musicales étonnantes grâce à un tout petit appareil phonatoire d'extraordinaires capacités. Dans la saison sèche, où il se reproduisait, il émettait des sons qui commençaient par un ton grave et qui devenaient aigus. À ce moment, il était un animal avec une chair très ferme et juteuse, qui d'ailleurs était une source très importante de protéines. Par contre, quand la session d'accouplement était finie et les veilles des trompeurs étaient rares, il commençait donc à se nourrir avec des herbes amères dont la plupart étaient vénéneuses ou indigestes pour les ancêtres des Pocahontas. Il émettait par contre un son grave et profond au début qui devenait de plus en plus aigu. Là, les indigènes Pocahontas ont dû apprendre très tôt à reconnaître ces nuances, car dans cette musicalité se trouvait la différence entre la vie et la mort. Merci Almudena Matrioshka, la célèbre archéologue en charge des fouilles de Homo Ho. On va continuer avec une chanson qui a aussi une relation avec les animaux, particulièrement avec les animaux du Pokajou. On va entendre un morceau qui s'appelle Urchins Down in the Meadow de l'artiste Manos Hadjiakis. De retour à la radio Pocajou internationale, je suis Melissa Suarez El Real accompagnée de la célèbre archéologue Almudena Matrioshka. On vient d'entendre une chanson de Manos Hadjiakis appelée Urchins Down in the Meadow qui est traduite à la langue française comme les hérissons qui vient dans la colline. Cette chanson essaie, selon son auteur, de reproduire le son de ces animaux quand ils sont en train de s'accoupler. Et bon, cette tradition de reproduire les sons des animaux pendant sa vie est très particulière de la culture pocajoutienne et a une très forte relation avec le cocopac. L'apprentissage musical dont on parlait tout à l'heure était aussi pratique pour les chasseurs qui finalement a donné comme résultat une évolution de l'appareil auditif de ces humains qui sont devenus une nouvelle espèce dont la communauté scientifique reconnaît comme Homo joue et dont aussi l'archéologue Almudena Matrioshka est une spécialiste. En fait, elle lui-même peut nous expliquer un peu plus sur ce sujet. Oui, avant de continuer avec cette explication, je veux remercier les Marajas pour la bourse qu'elle m'a donnée pour faire cette recherche sur les cocopacs. Les fossiles de Homo joue trouvés sur les fouilles archéologiques ont montré la façon dont ce complexe appareil auditif fonctionnait. Les différences sont minuscules avec les humains actuels, mais elles étaient très importantes chez les Homo joue. La membrane de l'oreille moyenne, qui touche le tympan, était plus épaisse et beaucoup plus sensible que celle des humains actuels. Les cocopacs étaient abondants à cette époque-là, bien sûr, et ils étaient basiques dans le régime alimentaire des anciens chasseurs pocajoutiens. Mais à fur et à mesure que les chasseurs ont perfectionné leurs habiletés de chasse, guidés par lui, les cocopacs ont été entièrement exterminés. Bon, merci Almudena Matrioshka, c'est une histoire vraiment très intéressante. Et on sait de nos jours que le cocopac a resté quand même un animal sacré qui imprégnait la culture des anciens habitants de l'île. Et même si le cocopac n'existait plus, leurs descendants ont continué à adorer cette figure devenue mythique. Les chants rituels de chasse est devenu une partie très importante de la culture des natifs pocajoutiens. Et en fait, cela a été le début d'une culture fondée autour de la musique. Plusieurs instruments musicaux, comme le cojope, sont le résultat du grand effort de l'homme roux pour récupérer le chant de cet animal perdu pour jamais et pour de bon. On va vous laisser avec une chanson dédiée à une volaille assez courante. Ça s'appelle La Gallina ou La Poule. C'est dans un disque qui s'appelle Perú Maravilloso. C'est un disque des années 70, mais qui en fait vient de ressortir. C'est une chanson inspirée pour cette tradition de reproduire les sons des animaux, comme on sait pour le cocopac. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à la docteure Almudena Matrioshka. Je vous souhaite très très bonne fête. À la prochaine. La gallina no. rediffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine.